Les Corrigan, un bébé, une sorcière et une petite crème soyeuse au chocolat blanc et abricots rôtis au miel et à la lavande. Écrit par Hélène Duguay-Zouvraz, lu par Armen, avec la participation de Yann Bersalin pour Audiocité.net. Le clan des Corrigan du Mont Saint-Michel de Brasparts entra un jour de juin en grande liesse, car on venait à célébrer les noces de la fille du roi, délicieuse petite princesse d'à peine 123 ans. Au fils du roi du clan de Roquetrévezel, qui venait tout juste, quant à lui, de souffler 157 bougies. Le petit peuple des Corrigan voyait dans la fraîcheur de cet hyménée des promesses de libation, de fêtes et de sarabandes, mais aussi de paix et de bonheur. Les deux montagnes se faisant face furent illuminées par de nombreux feux d'ajoncs en l'honneur de ces six jeunes mariés, car les Corrigan ne convolent que rarement avant 600 ou 700 ans. Alors que la noce s'installait joyeusement tout autour du lac de Brennilis, dans les landes parfumées, un immense banquet fut organisé et les tables furent garnies des plus fines spécialités de la cuisine Corrigan, mais qui déclenche assez peu d'appétence chez les humains, voire des hauts le cœur. Il est donc inutile d'annoncer le menu. Une fois la fête terminée, les montagnes soigneusement rangées, la lande balayée, les jeunes mariés envolés en voyage de noces dans les îles, Molène et Wesson, chez leurs cousins les Morgan, le roi des Corrigan du Mont Saint-Michel prit la parole avec solennité. « Je crains que nos mariés n'aient pas d'enfants. Alors je propose d'aller chez les hommes dès demain soir à la pleine lune. » Nous y emprunterons un nourrisson dont nous ferons cadeau aux jeunes époux. » Des applaudissements enthousiastes saluèrent cette proposition généreuse alors que le roi poursuivait. « C'est tout de même une opération délicate que nous organisons là et il faut la mener avec ruse et prudence car les hommes ne vont sans doute pas être d'accord. » Je sais par nos informateurs Corrigan qui gîtent sous le dolmen du Mougot qu'une femme vient de donner le jour à une très jolie petite fille. Nous l'enlèverons demain soir, à minuit, dans son berceau de châtaignier. Et pour tromper les hommes, nous mettrons ma grand-mère qui a la même taille et la même fraîcheur, car elle n'a encore que 1500 ans, à sa place. » Ainsi fut fait. Lorsque la lune pleine et scintillante fut au zénith, que minuit sonna au clocher de Comana et que les hommes plongèrent tous dans un lourd sommeil qui semblait n'avoir rien de naturel, le petit peuple s'approcha silencieusement de la très modeste maison couverte de lourdes ardoises. Le roi des Corrigan installa alors silencieusement sa grand-mère dans le berceau près du lit clos, alors que les autres Corrigan ravissaient le bébé ravissant sous la lune éclatante de juin. Au petit matin, les parents du bébé n'y virent que du feu et s'occupèrent tendrement tout le jour, comme les jours suivants, d'une Corrigan de 1500 ans qui n'avait plus beaucoup de cheveux, plus qu'une dent et commençait à radoter un peu. Les jours, les semaines, puis les mois s'écoulèrent tranquillement au Mougot dans la petite maison au pied de l'allée couverte. L'enfant eut 3 mois, puis 6, et une année sans grandir d'un pouce, ni grossir d'une once, en dépit pourtant d'un très solide appétit. L'amour maternel est aveugle, et il se passa tout de même 2 bonnes années avant qu'une voisine du hameau, quelque peu malveillante il est vrai, n'attire l'attention de la jeune mère sur l'inquiétant retard staturopondéral de la prunelle de ses yeux. « Mon fils, pourtant plus jeune, dit l'aigre voisine, est bien plus grand, Il marche, il court, il parle, il barbote même tout seul à la rivière et capture déjà ses premières truites. Tombant des nues, la malheureuse jeune mère poursuivit tout de même ses soins maternels confits d'amour, allaitant l'étrange nourrisson épouvantablement glouton. Les parents firent des vœux et des prières, invoquèrent saints et fées, baignèrent l'enfant à la fontaine Saint-Jean, où l'eau passe pour enlever charmes et maléfices. Rien n'y fit. Le bébé demeurait glouton, nain, sourd et muet. Un soir de pleine lune, à la fin du mois de juin, alors qu'on venait de fêter les 3 ans de vie de cet étrange enfant, une très vieille femme à la peau hâlée et parcheminée, au regard clair et aux blanches mèches folles, toute vêtue de noir, frappa à la porte de la jeune mère et demanda une once de beurre. Satisfaction lui fut donnée, car c'était une maison pauvre mais généreuse, aujourd'hui on dit solidaire. Mise au courant de l'étrange malheur infantile, la vieille sorcière, car c'en était une, évidemment, dit « Séchez vos larmes et apprivoisez l'espoir. Avant demain soir, votre enfant aura grandi, parlera et entendra. Demain midi, vous casserez un œuf dont vous épargnerez délicatement la coquille dans laquelle vous verserez une pincée de farine, un grain de sel et 3 gouttes de lait de chèvre blanche. Vous ferez cuire cela à feu doux. » Et elle s'en fut. Le lendemain, la paysanne suivit scrupuleusement l'étrange recette de la sorcière. Alors qu'elle officiait méticuleusement, sourcils et nez froncés de concentration, elle entendit soudain une petite voix chevrotante sortir du berceau. « Mimes goulette quadlas et mes aiguilles, goulette égas à aubeur, solioud à vanneur arzal, mes aux cause à fal, à biscoise et mes goulette et médal, aubeurioud et plusken urviard. » Ce qui signifie « J'ai vu le bois de l'Az, en gland, en aubier, en futaie. J'ai vu l'abattre pour charpenter le manoir de la salle, mais jamais je n'ai vu cuisiner dans une coquille d'œuf. » D'un bond, courroucée car interrompue dans sa tâche, la mère alla au berceau, se saisit de l'enfant et à l'aide de son balai de genêt vert le fessa sans autre forme de procès. Au cri d'orfraie poussé par le vieux bébé, on vit la maison se remplir de korrigans mécontents, dont l'un, le roi des korrigans, tenait à la main une fillette de 3 ans, blonde, bouclée, rieuse et dodue. « Épouvantable mégère !» éructa le roi empourpré. « Voici votre enfant que j'ai élevé comme une véritable princesse, alors que vous battez comme plâtre ma pauvre grand-mère que je vous avais confiée en nourrice. » Il n'avait peur de rien. Se drapant dans sa dignité froissée, il prit la vieille korrigane, sa grand-mère, par la main, qui éclata d'un rire dément et effronté en faisant un pied de nez à la jeune mère éberluée, et disparut avec son petit peuple vers le mont Saint-Michel de l'Arrée. On ne les revit pas de sitôt. Et pour fêter le retour de la prunelle de ses yeux, la paysanne rassérénée servit au hameau un festin merveilleux, clôturé par une merveilleuse crème soyeuse au chocolat blanc et aux abricots rôtis au miel et à la lavande. Pour 6 korrigans gourmands, 30 grammes de sucre de canne bio, les graines parfumées d'une gousse de vanille bourbon, 1 demi-litre de lait entier bio et cru de vache bretonne pie noire, 4 jolis jaunes d'œufs, 200 grammes de chocolat blanc, 2 feuilles de gélatine, 6 abricots joufflus et doux comme des joues de bébé, 6 cuillères à soupe d'un excellent miel, 1 cuillère à soupe de fleurs de lavande fraîches. laver les abricots, les séparer en oreillons, ôter les noyaux, déposer les oreillons côté bombé dessous dans un petit plat métallique, verser le miel en filet et enfourner pour une trentaine de minutes à four moyen, 180 degrés, chaleur tournante. Lorsque les abricots ont rôti et que le jus de cuisson est sirupeux, répartir dans 6 verrines une belle pincée de fleurs fraîches, les oreillons rôtis, puis le sirop miellé. Réserver au frais. Mélanger ensuite au jaune le sucre et les graines de vanille. Pendant ce temps, porter sur feu doux à frémissement le lait, la gousse vidée. Fouettez les jaunes, le sucre et la vanille au fouet pour blanchir et rendre mousseux au maximum. Versez le liquide sur le mélange mousseux tout en mélangeant. Reversez le tout dans la casserole sur feu doux et tout en mélangeant, portez le tout à 88 degrés. La crème doit être joliment nappante. Ajoutez alors la gélatine réhydratée et essorée, puis hors du feu, ajoutez le chocolat blanc concassé. Bien mélanger à l'aide d'une cuillère en bois, puis répartir cette crème soyeuse dans les verrines sur les abricots rôtis. Laissez refroidir, puis réfrigérer quelques heures.